Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Vernochet. Monsieur Vernochet, bonjour à vous. Oui, bonjour à vous, Vincent, bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Jean-Michel Vernochet, vous êtes écrivain, essayiste, journaliste et géopolitologue français, spécialiste des questions internationales et notamment des sujets liés à l'islam radical, c'est ça ? Entre autres. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur toutes ces questions, je vais en citer quelques-uns, pas tous, il y en a beaucoup. Le chemin de Damas, l'avenir d'un peuple, Europe, chronique d'une mort annoncée, Les égarés, le wahhabisme est-il un contre-islam, aux éditions Sigeste, ou encore Retour de flamme, les banlieues de Damas, matrice du terrorisme qui frappe l'Occident, disponible sur le site www.contreculture.com. Et enfin, un dernier livre sorti en 2017, aux éditions Sigeste toujours, Les fiancés de la mort et les stratèges de la terreur globale. Vous l'avez compris, chers auditeurs, c'est donc de géopolitique dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, sachez que je me trouve aux côtés de Xavier, de la revue Fait et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Jean-Michel Vernochet, il se passe des choses intrigantes en ce moment au Moyen-Orient. Ces derniers temps, une recomposition, semble-t-il, des alliances régionales avec un blocus sur le Qatar de la part notamment de l'Arabie Saoudite. Pouvez-vous nous éclairer sur cette question ? Facile et difficile, mais parler de l'extérieur, donc de géopolitique, c'est aussi parler de politique tout court, puisque l'intérieur, l'extérieur... se renvoie la balle, si je puis dire, c'est une chambre d'écho. Si on parle de l'extérieur, on parle de l'intérieur. Le Qatar, c'est un des grands bailleurs de fonds de la France. C'est aussi la France est un paradis fiscal pour le Qatar, parce que les investissements sont exonérés d'impôts. Je vois Xavier qui opine du bonnet, il a bien raison. Monsieur Villepin, qui est aujourd'hui un candidat macroniste, a été avocat de je ne sais quelle personnalité du Qatar où il a fait, donc il s'est souvent rendu, ainsi qu'un certain nombre on ne dira pas d'autres sarkozistes, mais de sarkozistes tout court. Donc les liens entre la France et le Qatar sont très puissants, sauf que le Qatar, en quelque sorte, fait de l'ombre aujourd'hui à l'Arabie Saoudite. Ce sont, il faut bien le préciser, les deux seuls grands États wahhabites. Alors si vous voulez, tout à l'heure on reviendra, on dira en un mot ce qu'est le wahhabisme. Ce sont des rivaux, et aujourd'hui ce sont aussi des rivaux en matière de géopolitique, puisque les États-Unis veulent couper court avec les frères musulmans. Nous pourrons dire un mot des frères musulmans. Et c'est le Qatar qui instrumente les frères musulmans dans les guerres régionales qui ont cours. Je dis guerre régionale puisque la Libye est toujours un État en état de guerre. Alors que l'Arabie Saoudite, elle, s'occupe plutôt des islamistes durs, de Daesh. Et donc le Qatar, lui, c'est les frères musulmans et accessoirement Jabhat al-Nusra, les grands amis de M. Fabius, qui sont plutôt al-qaïdistes. Mais il y a une concurrence, aussi une rivalité. Parfois, il y a eu par le passé des combats extrêmement violents entre al-Nusra et Daesh. Donc, vous jugez que l'argument qui est de couper les relations diplomatiques avec le Qatar sous prétexte qu'il finance le terrorisme vous paraît absolument fallacieux ? Tout le monde s'est apparu comme les fleurs écloses au printemps. J'ai vu dans des journaux extrêmement bien pensants rappeler que l'Arabie Saoudite ferait bien de balayer devant sa porte, parce que comme financier et pourvoyeur du terrorisme, les Séouds, Riyad, se trouvent en première ligne. D'ailleurs, au moment même où se tenait, ou juste avant que ce grand sommet avec Donald Trump se réunissent à Riyad, il y avait des livraisons par le truchement de la Turquie, je crois d'ailleurs, des livraisons d'armes et de blindés légers, mais d'armes antiaériennes, c'est-à-dire des armes vraiment de première ligne qui ne sont plus des armes à vocation non létale comme celles qu'on était censé livrer au début en 2011 ou en 2012, au début du conflit syrien. Alors, vous parliez tout à l'heure, Jean-Michel Vernochet, du wahhabisme. Vous avez écrit un livre sur la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, de façon assez claire, didactique, à quoi ça correspond ? Écoutez, grosso modo, l'islam s'est bâti. L'islam est un système juridique, c'est-à-dire d'interprétation du Coran et de la Sunna. Donc du Coran lui-même, de la révélation, le Coran étant en fait pas la révélation mais la déclamation, et de tous les hadiths qui l'entourent, c'est-à-dire les témoignages directs, indirects ou plus lointains des compagnons du prophète. Ces quatre grandes écoles juridiques, jurisprudentielles, il y en a une qui s'appelle le Hanbalisme qui est plus particulièrement rigoriste, mais rien à voir avec le wahhabisme. Et puis une autre école qui a cours dans tout le Maghreb, au nord de l'Afrique, dans ce qu'on appelait autrefois l'Ifriqiya, qui est le malékisme. Et le malékisme dit pas de conversion dans la violence. D'ailleurs, c'est dans le Coran, hein, pas de conversion dans la violence, parce qu'on ne fabriquerait que des hypocrites. On peut pas vous forcer à aimer, ce que veut faire d'ailleurs le politiquement correct, qui veut nous obliger à aimer tout le monde. Donc le wahhabisme contredit violemment cet héritage jurisprudentiel, et se surajoute, il apparaît au XVIIe siècle dans le désert du Nedj, il réouvre en quelque sorte l'exégèse, les portes de l'interprétation coranique, interprétation juridique, et va instituer un rigorisme totalement inouï et en fait en rupture avec l'islam qu'on peut qualifier de traditionnel, de classique ou même de populaire. Je donnerai un exemple, le wahhabisme va faire détruire tous les mausolées, tous les cénotaphes, les marabouts, on l'a vu au Mali et ailleurs, parce qu'il ne peut pas y avoir d'intercession entre le croyant et Dieu. Ça rappelle quelque chose, ça rappelle un peu le calvinisme, ça. Entre le croyant et Dieu, donc on fait détruire, il n'y a pas de saint intercesseur. Vous voyez, on ne peut pas les prier sur une tombe, puisque ça serait de l'idolâtrie. Bon, c'est pour ça qu'on détruit tous les témoignages du passé, puisque rien ne doit s'interposer entre Dieu et la divinité. Je reviens sur l'histoire de l'islam. Il y a eu au tout début de l'islam un super puritanisme qui s'appelait le kharijisme. Mais le kharijisme, il y a des kharijites, les mozabites, je pense, au fond de l'Algérie, sont des kharijites, n'a rien à voir, ce puritanisme. Les mozabites sont connus pour leur honnêteté, leur rigueur, leur qualité commerçante, n'a rien à voir avec la folie littéraliste. Alors, j'explique le mot littéralisme, qui prend le Coran au pied de la lettre. Alors, ça conduit à des délires totaux, comme par exemple, Dieu est assis sur un trône avec un pied en enfer. Alors, chez les wahhabites, on voit Dieu assis véritablement, physiquement, matériellement, corporellement, avec un pied en enfer. Donc, on est dans le délire le plus total. Tout ça pour dire que le wahhabisme est à la fois un schisme et une hérésie. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. Manque de chance, c'est que le wahhabisme se présente notamment dans nombreux lieux, parce que également le Qatar finance les mosquées, les madrassas, donc les écoles coraniques, finance toutes les infrastructures culturelles et autres, et l'Arabie saoudite, bien entendu, pour diffuser cette idéologie. Donc il faut bien penser que le wahhabisme n'a au fond rien à voir avec l'islam, d'où le titre de mon livre, « Le wahhabisme est-il un contre-islam ?» et n'a rien à voir avec l'islam, mais s'il se présente comme la source pure, non falsifiée, parfaite, du Coran, l'interprétation coranique. Chez des jeunes gens qui sont totalement déculturés, qui arrivent, qui ont le cul entre deux chaises, qui sont ni vraiment qui ont des racines ou plutôt des adhérences maghrébines et qui sont des Français de troisième zone, pour assez souvent, on peut le dire, on leur apporte tout d'un coup la lumière révélée. Ça n'a rien à voir. Donc, quand on nous parle de la loi de la charia, en général, mais vu par les wahhabites, ça n'a rien à voir avec la charia, qui sont des jurisprudences qui d'ailleurs sont adaptées à partir des quatre grandes écoles que j'ai mentionnées. Et je vais juste aborder un dernier point. Et qui sont des jurisprudences qui varient d'un pays à l'autre. Au Soudan, on prend des étudiants en train de copuler, c'est pas bien de forniquer, va-t-on dire, on leur donne 30 coups de baguette. Mais alors, la baguette, c'est désagréable, mais la baguette est assez légère. Donc, vous voyez, la charia, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est, contrairement à ce que l'on pense, c'est un univers jurisprudentiel et adapté, au fond, quasiment à chaque culture. Mais on ne fait pas une émission sur l'islam, on pourra la faire l'autre fois, par exemple, avec Youssef Indy, pourquoi pas, qui ne me contredira peut-être pas, mais qui précisera ma pensée. Alors, un dernier mot, c'est que ces salopards de Wahhabites ont inventé un truc, c'est l'obligation cachée. Vous savez que dans l'islam, il y a les cinq piliers qui sont l'aumône légale, la zakat, la prière, le pèlerinage, les cinq prières quotidiennes pour les sunnites, trois pour les chiites, le pèlerinage, j'en oublie. Et le ramadan ? Le ramadan, bien sûr, et la cinquième. Alors, eux, ils ont inventé une obligation cachée qui serait celle du djihad. Un mot sur le djihad, ça existe. Le djihad signifie en arabe « effort ». Mais il y a le grand djihad, et le grand djihad, c'est l'effort intérieur, personnel, d'amélioration, de perfectionnement. Oui, c'est la volonté. C'est le triomphe de la volonté. C'est le triomphe de la volonté de perfectionnement. Donc l'effort. Et puis il y a le petit djihad qui est la guerre, mais qui, dans le Coran, est une guerre strictement défensive. Eux, ils en font une obligation légale, donc on tue tout ce qui est mécréant, à commencer par les chiites, qui sont des super mécréants, et puis nous autres sommes des mécréants en deuxième ligne, puis des mécréants en troisième ligne. Enfin, nous sommes des mécréants. Donc vous voyez, on a bien raison de dire que le wahhabisme n'est pas l'islam, que c'est une idéologie, mais malheureusement, l'image, les idées sont parfaitement brouillées. Mais est-ce que cette idéologie n'est pas qu'un habillage à une internationale pilotée depuis un endroit qui serait en dehors du monde arabe et qui aurait finalement pris la succession de ce qu'a pu être le communisme ? Alors, c'est ma thèse. Je dis que le wahhabisme et le communisme adaptés à l'ère culturelle, l'ère géographique culturelle islamique, et que ce communisme vient d'ailleurs pour détruire, au fond, comme on pourrait dire que le communisme, qui est un athéisme, mais qui est un athéisme assez étrange, si on y regarde de près, est venu pour prendre la succession, l'amour solidaire, la fraternité humaine, et vient à la suite de la révélation évangélique. Donc on peut dire que le communisme vient détruire l'Occident, comme le wahhabisme vient détruire le monde musulman. Et l'international aujourd'hui à l'œuvre en Syrie, parce que c'est une internationale, fait penser à bien des égards à ce qui a pu se passer en Espagne dans l'entre-deux-guerres. Alors, je l'ai dit, je l'ai écrit, vous le trouverez d'ailleurs dans les Fiancés de la mort, les idées ne m'appartiennent pas, ne nous appartiennent pas, il faut au contraire les faire circuler. C'est la guerre d'Espagne a été le vestibule de la guerre mondiale, avec des brigades internationales. Alors là, il y a plus près de 100 nationalités qui combattent. Et avec plusieurs factions, il y avait déjà les anarchistes, les trotskistes. Et qui se faisaient la guerre, qui s'entretuaient. Exactement, comme Al-Qaïda. Il y avait les rescapés du Bund, d'ailleurs, il y a un livre bien pensant, hein, je le précise, qui s'appelle « Le Yiddishland révolutionnaire ». Ça va jusqu'à la guerre d'Espagne, les brigades internationales étant constituées pour beaucoup par ces militants internationalistes qui n'ont jamais cessé de penser à la révolution mondiale. Un mot, Lénine n'a jamais voulu faire la révolution en Russie, jamais. Il prend le train en marche, il arrive, tout est déjà commencé depuis longtemps, lui il pensait faire la révolution soit en Suisse, puisqu'il était à Zurich, soit en Suède. Et puis, quand il ramasse le pouvoir dans le caniveau en Russie, parce que le génie de Lénine, c'est pas exactement ça, il ramasse le pouvoir, il pense servir de la Russie comme marchepied pour la révolution mondiale. Alors bien sûr, les choses ne se passent pas comme ils veulent, ce sont les sociodémocrates tout aussi révolutionnaires que lui, mais plutôt réformistes qui prennent le pouvoir en Allemagne, puisqu'il y a une révolution en 1919, et il y a la première internationale dirigée vers les peuples d'Asie en 1919 à Moscou, mais en 1920, tout de suite l'année d'après à Bakou, on essaye d'embraser l'Orient, à commencer par l'Afghanistan, l'Inde et la Chine. Il ne faut pas croire, nous vivons une répétition, aujourd'hui nous vivons une répétition, mais à une autre échelle et selon d'autres modalités de ce qui s'est passé au début du XXe siècle. Et ce wahhabisme est une force donc de destruction de nations arabes et une force internationaliste pure. Alors, de destruction à la fois des nations arabes, de fragmentation, ils introduisent en termes juridiques coraniques la fitna, c'est-à-dire la division entre les croyants, la dissension, la fitna, qui est un terme important, et surtout, ils détruisent l'islam de l'intérieur. C'est un instrument, un outil de destruction de l'islam. Je suis pas islamophile, ni évidemment encore moins islamophobe, mais il faut bien constater que l'islam fait partie de la charpente civilisationnelle de la planète. Vous faites tomber un pan de la charpente, l'édifice commence à s'écrouler. Même chose, on avait cru détruire l'orthodoxie dans l'ex-empire soviétique, 70 ans de communisme, et puis le phénix a ressurgi de ses cendres, d'ailleurs parce que l'homme a besoin d'un consensus transcendant, un consensus autour de valeurs sacrées. Aujourd'hui, le catholicisme, ne parlons pas du luthérianisme, est quand même dans les choux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde doute de tout. On voit les bons catholiques fillonistes qui vont voter Macron. Ça semble hallucinant, mais c'est le cas. C'est Neuilly, c'est partagé entre deux communautés. Une communauté juive et une communauté catholique, mais extrêmement importante. Si vous voulez voir une église remplie, vous allez à Neuilly. Et bien, ils ont voté à plus de 88% en faveur de Macron. Vous voyez, C'est là qu'on se dit qu'Emmanuel Todd avait peut-être pas complètement tort avec son catholicisme zombie. Oui, moi je laisse à Emmanuel. Je sais pas, c'est pas un de mes auteurs de référence. Youssef Indy l'aime beaucoup, moi pas. C'est pas quelqu'un que je lis parce que je pense qu'on peut penser en dehors des Emmanuel Todd, des Finkielkraut et des Zemmour. On n'a pas besoin d'eux pour penser. Jean-Michel Vernochet. Israël n'est-il pas le grand gagnant de cette destruction de l'islam et du catholicisme dont vous parlez ? Il y a une vidéo très rigolote où on voit un petit rabbin excité et nerveux. On ne dit pas un rabbi, on dit un petit... Bon, ça porte un autre nom. Il raconte la parabole du petit coq. Tout le monde s'entretue dans la basse-cour, puis il y a le petit coq malingre qui regarde, et puis à la fin, il ramasse le harem, ces gens sont toujours absents des guerres. Je me souviens quand, en 2003, Israël disait « Non, non, nous n'y sommes pour rien, nous n'y sommes pour rien, nous n'y sommes pour rien. » Et toutes les andouilles disant « le pétrole, ben oui, le pétrole, c'est une dimension, oui, c'est un paramètre. » Mais si on refaisait l'histoire de 2003, vous l'avez d'ailleurs écrit dans « Le feu de l'action dans l'islam révolutionnaire », le pétrole, les Américains ont perdu le pétrole en faisant la guerre à l'Irak, et on voit bien que c'était des impératifs de sécurité pour l'État d'Israël, et de démantèlement, de semer le chaos pourtour d'Israël, puisque si les États n'existent plus, il n'y a plus de menace. Alors pour compléter, Israël ne se cache pas de soigner des combattants du front al-Nusra, ne se cache pas de bombarder dans ses hôpitaux, oui, des convois du Hezbollah qui luttent précisément contre ce terrorisme wahhabite. Et troisièmement, les rabbins dont vous parlez ne sont pas du tout des marginaux. Hein. Ce sont des rabbins complètement institués qui sont invités sur les canaux traditionnels de la communauté juive, sur les radios juives. Oui, alors Israël prend le prétexte de bombarder des dépôts d'armes, soi-disant du Hezbollah ou des convois, mais comme les Américains actuellement bombardent des éléments de l'armée arabe syrienne, c'est-à-dire l'armée gouvernementale, et de cela de façon de plus en plus régulière. Alors, notons, et ça mériterait là aussi des digressions à l'infini, que ce sont ceux qui soutiennent réellement le terrorisme, et c'est ça aussi le sujet du livre qui est qui a été le prétexte ou le motif de notre rencontre. Les fiancés de la mort. Voilà, merci Vincent. Et les stratèges de la terreur globale. Voilà, et les stratèges de la terreur globale. Alors, il faudra nous dire qui sont ces stratèges, d'ailleurs. On va y venir. Je reviens tout à l'heure sur la question. Oui, la guerre de Syrie, vestibule ou préambule à la guerre mondiale, est déjà une guerre mondiale en soi. Ne serait-ce que par les mercenaires qui arrivent aussi bien des confins de la Chine, du Turkestan chinois, du Xinjiang. Il y en a même qui arrivent aujourd'hui de Singapour. On retrouve dans les combattants en Indonésie, on retrouve des Chinois de Singapour. Et vu le nombre de coalitions, je termine là-dessus, la coalition, il y a une coalition occidentalo-arabe, une vingtaine de pays, il y a une coalition arabo-arabe, il y a une coalition qui intègre la Turquie, la Syrie, l'Iran et la Russie, il y en a une sans la Turquie, enfin on a plusieurs coalitions à échelle planétaire qui se confrontent et même s'affrontent, puisque je viens de parler des bombardements, des bombardements américains qui se multiplient contre les forces gouvernementales, accusées d'être les promoteurs du terrorisme, c'est ça qui est extraordinaire comme inversion accusatoire, accusés d'être les promoteurs, les géniteurs même et les pourvoyeurs de ce même terrorisme. Alors cet international wahhabite qui a sévi en Libye et qui sévit aujourd'hui en Syrie, pensez-vous que demain elle puisse attaquer un autre pays comme par exemple l'Algérie? On voit des pays musulmans dont la structure de pouvoir est faible et où alors, des conflits de ce type pourraient intervenir. Une question est importante et vous avez raison de mettre une incise. On vient d'arrêter Saïf al-Islam. Bruxelles réclame à corps et à cri son extradition. C'est le fils de Kadhafi, c'est-à-dire le sabre de l'islam, qui était hébergé par des tribus au sein du chaos libyen. Il faut savoir que le Qatar a joué un très grand rôle, avec main dans la main avec Sarkozy, avec Bernard-Henri Lévy et M. Kouchner à l'époque, pour mettre ce pays à feu à sang, sous couvert d'éviter un bain de sang. Mais le bain de sang, il est venu après. Pour sauver les gens, on commence par les exterminer. Le Qatar va envoyer plusieurs milliers de membres de ses forces spéciales à financer, à alimenter en armes. C'était assez, le rôle du Qatar comme suppléant de l'OTAN dans la guerre de Libye a été extraordinaire. Alors, on sait que le sud tunisien est très instable. La frontière tuniso-algérienne aussi. Je ne suis pas spécialiste du Maghreb. Hein. L'Algérie est dans l'entre-deux. On attend, on ne sait pas si M. Bouteflika est mort ou vivant, ou entre les deux, comme M. Sharon, qui est resté dans le coma pendant 5 ans, quand même, c'est pas mal. Il y a eu aussi les précédents de M. Franco ou de... Mitterrand ? Non. Tito restait aussi un certain nombre de 6 mois. On ne savait pas très bien où il était, entre le paradis et l'enfer, mais en tout cas, peut-être même pas encore au purgatoire. Et donc, on a actuellement, depuis 7 mois, dans le silence médiatique le plus effrayant quand même, une révolte du RIF. Et il faut rappeler qu'il y a eu une guerre du RIF entre 1921... Au Maroc. Oui, au Maroc, c'est le Nord-Maroc. Ce sont des populations très, très dures. 1921-1926, les Italiens, les Français sont intervenus à coups de gaz de combat, comme pratiquait Churchill, d'ailleurs, au Kurdistan et dans les zones tribales du Pakistan à la même époque. On n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Ça a été d'une dureté extrême. Heureusement, les Rifains ne nous en veulent pas, et ils ont raison, d'ailleurs. Nous ne sommes pas les héritiers des gens qui conduisaient ce type de guerre. Dans lequel je crois que De Gaulle avait fait peser la balance en faveur de l'utilisation des gaz de combat. On était moins pudibond ou puritain qu'aujourd'hui. Donc, le RIF, c'est essentiellement une revendication, on peut le dire, nationale identitaire, mais qui nous dit que les choses ne peuvent pas basculer. De la même nature que la Kabylie en Algérie. Un peu, c'est comparable. Les Berbères, encore que ce ne soit pas tout à fait des Berbères. Je vous renvoie, je l'ai souvent dit à Youssef Indy, à Laoust, histoire des Berbères, montrant qu'il y a des populations kurdes qui ont reflué d'Espagne, du califat de Cordoue, qui ont reflué, qui sont installées, qui sont mélangées aux tribus berbères, donc il y a un certain nombre de siècles. Mais donc ce sont grosso modo des Berbères, et ce sont des Berbères durs. Là, cette instabilité perdure. Il y a eu à Rabat une super manifestation dimanche dernier, au moment où nous votions en France. Nous votions si mal, mais si bien pour M. Macron. Donc, le Maghreb est une zone qui peut s'embraser. Il n'y a pas de doute. Voilà, ça, c'est clair. Avec des répercussions importantes sur notre territoire. Vous pouvez imaginer lesquelles. Ça sera, s'il y a le chaos là-bas, il y aura le chaos ici aussi. Alors Jean-Michel Vernochet, revenons au Moyen-Orient. Quelle est la situation militaire de Daesh actuellement en Irak et en Syrie ? Il reflue, mais il se diffuse ailleurs. Vous savez, vous pouvez couper une tumeur. Si la tumeur a déjà métastasé, on l'a dit, ils sont chez les Ouïghours, là-bas, au Turkestan chinois. Il y a énormément de combattants de Tchétchène qui, paraît-il, mettent au pas nos petits gars des banlieues, qui n'ont pas l'habitude de la discipline. On a des Soudanais, on a beaucoup de Tunisiens, énormément de Tunisiens. Donc ce sont des gens, si, le jour où ils vont refluer, où les territoires perdus de l'État islamique vont refluer vers la Tunisie, eh bien le contre-coup de la laïcité peut-être. Pardon ? Le contre-coup de la laïcité peut-être. De quelle laïcité ? De laïcité tunisienne ? Alors, la laïcité, je ne sais pas comment il faut l'entendre, mais ça n'a pas le même sens que chez nous. Chez nous, laïcité signifie neutralité de l'État, égalité entre les religions, une égalité qui n'existe pas. Il y a toujours deux poids, deux mesures. C'est clair et c'est net. Mais laïcité au Maghreb signifie athéisme. Mais c'est vrai que chez nous, de plus en plus, laïcité se confond avec l'athéisme. Hein, je renvoie au livre de Youssef, la laïcité, la religion laïque de la République de Julius Frey à Vincent Peillon. Un livre important, si on veut comprendre aussi. Peillon a disparu, là, il est sous le tapis, mais on va le voir réapparaître un de ces jours, peut-être à la tête, à la suite de M. Cambadélis. Qui lui n'était qu'un militant lambertien. Non, c'était un trotskiste pur et dur. Peillon, lui, c'est un kabbaliste pur et dur. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est lui qui le dit. Hein. Il nous l'explique. Daesh n'est pas mort et Daesh va nous faire souffrir. Mais bon, il nous fera souffrir dans la mesure où on le laissera faire aussi. Parce que... Ah, il y a eu dernièrement justement un attentat à Manchester le 22 mai. À un concert donc d'une artiste américaine qui est donc un attentat qui a fait 22 morts. Elle-même kabbaliste morts, d'ailleurs, kabbaliste revendiqué. Ariana Grande, donc 22 morts, 59 blessés. Qu'en penser ? Bah, qu'en penser, c'est que des voix sont élevées pour nous dire que le terrorisme va devenir une chose banale, habituelle, qu'il fallait s'y habituer. C'est vrai que ça fait moins de morts que les accidents sur la route, mais c'est beaucoup plus spectaculaire et le retentissement émotionnel est beaucoup plus grand. Nous allons vivre avec le terrorisme, puisque de toute façon, on ne changera rien à nos bonnes habitudes. On peut vivre dans une société plurielle, mais encore faut-il avoir des politiques soit d'assimilation, soit d'intégration. Nous n'en avons jamais eu. Savoir ce qu'est réellement le multiculturalisme, éviter les dérives communautaires. Donc, on ne va pas. Même Mme Merkel, à un moment donné, avait dit le modèle multiculturaliste a échoué. Bon, enfin, on ne se dirige pas vers un peu plus de conscience. De ce point de vue-là, il faudrait peut-être rompre avec nos alliances wahhabites, que ce soit avec le Qatar, alors on prend de la distance, mais pas beaucoup, parce que je dis les intérêts du Qatar en France sont tels. Après tout, le Qatar est propriétaire du PSG, hein, ah, c'est pas rien. Avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, mais on ne peut pas. On ne peut pas, nous sommes comme des boxeurs groggy, mais même pas, on les aime, hein, on les étreint de façon très, très étroite. Je vais faire un parallèle. Monsieur Milton Friedman, qui est décédé, qui était le grand patron de l'école dite de Chicago, les ultra économistes, son fils, lui, est libertarien, ce qui est encore autre chose. Mais il n'a pas eu le prix Nobel. Nous avait dit qu'il fallait que la liberté impliquait une certaine tolérance à la déviance sociale et donc à la criminalité, même la plus dure, que c'était normal. C'est une espèce de part maudite avec laquelle il fallait cohabiter et vivre. Ben, ça va être la même chose avec le terrorisme, d'autant que le terrorisme est extrêmement pratique, puisqu'il permet, vous avez constaté comme moi, qu'il y a des actes des attentats régulièrement avant les grands rendez-vous électoraux, que ce soit en Angleterre, en France ou ailleurs. Donc ça permet de faire passer des lois d'exception. Monsieur Macron va inscrire dans la loi, et pourquoi pas dans la Constitution, certaines dispositions de l'état d'urgence. Donc tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Parce qu'on sait très bien à quoi servira cet état d'urgence, à museler les Français si besoin était, le jour où, à la place des bulletins de vote, ils jetteront des pavés. Oui, donc à propos des investissements du Qatar en France, j'ai ici une dépêche AFP. Ils rachètent notre patrimoine, mais pas encore le palais de Versailles que M. Jean-Michel Apathy voulait détruire parce qu'il faut. Lui aussi, il n'est pas wahhabite, mais il veut araser, comme tous les bons judéo-bolcheviques, il veut araser la mémoire. Donc cette dépêche AFP recense tout ce que possède le Qatar en France, c'est assez énorme, donc via son fonds souverain Qatar Investment Authority. L'AFP recense d'innombrables propriétés. Le Qatar a acheté en 2011 le club de football du Paris Saint-Germain, vitrine du pays en France, qu'il a propulsé en haut de l'affiche. En plus de se doter d'une locomotive sportive, le pays du Golfe avait donné une bouffée d'air frais au championnat de France. Bon, alors là, ils s'en réjouissent. Une partie télévisée, des droits télévisés via sa chaîne Beansport. Beansport a toutefois subi un coup d'arrêt lorsque SFR a racheté les droits de diffusion de la prestigieuse Ligue de champions de football. Spécialisé dans le luxe, des ressortissants de cet état du Golfe détiennent les hôtels parisiens. Ça, c'est plus intéressant, oui. Le Royal Monceau, Concorde Lafayette, Peninsula, l'Hôtel du Louvre, ainsi que le Martinez et le Carlton à Cannes. C'est pas rien, ce sont des fleurons du parc hôtelier français. Voilà, le Palais de la Méditerranée à Nice. Le Qatar est le deuxième actionnaire du groupe Accor Hôtel, dont Nicolas Sarkozy vient de devenir administrateur, détient plusieurs milliers de mètres carrés de locaux dans l'avenue des Champs-Élysées et près d'un quart de la société fermière du casino municipal de Cannes qui exploite Majestic Barrière et le Grey d'Albion. L'émir du Qatar possède un hôtel particulier, l'hôtel d'Evreux sur la prestigieuse place Vendôme à Paris, et son frère détient l'hôtel Lambert à la pointe de l'île Saint-Louis. Le Qatar est très présent dans les grandes entreprises françaises. Il y a eu un monument classé, il y a eu un incendie, ce qui permet de faire des réaménagements qui n'étaient pas autorisés par les bâtiments de France, hein, je le signale. Alors je continue, des participations dans les grands groupes français comme Total, Vinci, Veolia Environnement, LVMH, Vivendi, en plus de détenir les magasins Printemps. Sur le plan militaire, il est un excellent client qui a notamment commandé 24 avions de combat Rafale en 2015 pour 6,3 milliards d'euros. Alors dites-moi, par qui seront pilotés ? Par des pilotes israéliens, non ? Parce qu'ils ne sont pas capables de piloter ces gens-là. Ils sont... Parce qu'ils ont des problèmes de vue, parce qu'il y a, énormément de consanguinité. Oui, on trouvera toujours une excuse. Ils sont peut-être aussi un peu indolents, dirons-nous. Et cela dit, c'est un vrai exploit de Jean-Yves Le Drian, ce qui explique sans doute sa nomination au Quai d'Orsay, d'avoir réussi enfin à vendre le Rafale. Peu importe le client, après tout. De tendre cette perche, mais on voit bien que le Quai d'Orsay, en fait, finalement, c'est une sorte de VRP. C'est voilà. Un représentant de commerce. De Serge Dassault. De Serge Dassault, et on ne fait. C'est à cela que se réduit notre politique étrangère. C'est pas somptueux. Hein. Alors, si je peux conclure sur le Qatar, l'Émirat est également partenaire de la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds d'investissement de 300 millions d'euros pour les PME françaises innovantes. Bon, et donc on voit qu'ils financeront. Autant dire que le Qatar possède une partie du cœur vital du noyau dur de l'économie française, point. Pas la totalité, mais... Alors, question subsidiaire, pourquoi l'Iran actuellement vole-t-il au secours du Qatar dans le cadre du blocus mené par l'Arabie Saoudite ? Entre autres, parce que... À quel jeu joue l'Iran ? Alors, il joue un jeu intelligent et subtil, divisé pour régner. Si on peut accentuer un peu la division entre Riyad et Doha, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, c'est qu'il y a l'exploitation commune, conjointe d'un gisement gazier. On sait très bien que le pétrole, c'est fini. On ne sait pas ce qui reste dans les cuves saoudiennes. Et que le gaz va être l'énergie de relais. Les éoliennes ne marcheront jamais, ça marche pas d'ailleurs, il faut avoir le courage de le dire. Et avant qu'on arrive à la fusion nucléaire, ou en tout cas qu'on se décide à relancer les générateurs sur générateurs de 4e ou 5e génération, il va se passer du temps. Il faudra aussi peut-être opérer des révisions déchirantes. On ne va pas parler du nucléaire ici, ça fâcherait tout le monde. Donc le Qatar et l'Iran ont des intérêts financiers conjoints et des intérêts également dans le Golfe. Il faut savoir que le Qatar jouxte Bahreïn, qui est à majorité chiite, que les grands gisements pétroliers, je ne dis pas gaziers, saoudiens, sont sur des zones chiites. Et que l'Arabie saoudite, au fond, est un mirage du désert, puisqu'il y a quelques milliers de princes héritiers, mais la population, pour l'essentiel, est composée d'immigrés, de migrants. C'est une population instable et une famille royale qui se fait la guerre. On ne se promène pas là-bas sans une nuée de gardes du corps. On s'assassine assez facilement, les règlements de compte. On ne nous dit pas exactement de quoi il retourne. On attend les grands reportages de nos grandes télévisions, si objectives. Les Arte, les Antenne 2, les 3 et autres, ou Canal+, pour nous dire ce qui se passe réellement en Arabie Saoudite. Mais ça, il y a peu de chances qu'on voit quelque chose, de même que vous avez peu de chances de me voir sur une grande chaîne. Alors, Jean-Michel Vernochet, quel regard portez-vous sur la tournée qu'a réalisé Trump au Moyen-Orient dernièrement ? Alors, est-ce que ça a un lien justement avec les reconfigurations qu'on observe actuellement? Bah, écoutez, Trump, au fond, a peut-être sauvé la mise, a détourné l'attention. C'est assez... Je ne sais pas si c'est subtil, je ne veux pas porter de jugement définitif, je ne comprends pas très bien comment fonctionne Trump, mais je ne connais pas les rapports de force internes à la Maison-Blanche ou au sein du pouvoir à Washington. Il a détourné en polarisant l'attention sur l'Iran, État terroriste, parce qu'il soutient le Hezbollah, et le Hezbollah, c'est une organisation terroriste, bien que ce soit une organisation gouvernementale au Liban, ils ont des ministres. Ils ont fait plaisir à M. Netanyahou. L'ambassade américaine n'est pas passée de Tel Aviv à Jérusalem. On s'est bien rendu compte que c'était la pire des conneries. Donc, on détourne l'attention de Moscou pour la fixer, pour cristalliser le ressentiment mondial, tout en faisant plaisir à Israël et donc aussi à M. Jared Kushner et à tous les sionistes, les hyper-sionistes qui soutiennent, conservateurs ou non d'ailleurs, qui soutiennent M. Trump. Donc il a manœuvré, il a fait lui aussi, on peut dire qu'il a fait la part du feu aux néo-conservateurs. On a bombardé une base vide en Syrie. En perdant la moitié de ces missiles de croisière qui sont, on ne sait pas, ils sont évanouis, hein, on le sait. Il n'y en a pas la moitié, il y en a 24 ou 25 qui sont arrivés sur les 39 ou plus qui ont été tirés. Ça, c'est une autre affaire. Monsieur Trump également fait la part du feu en accusant le Doha de soutenir les frères musulmans. Donc, il concentre tout sur les frères musulmans qui ont échoué en Égypte, qui sont en embuscade du pouvoir en Tunisie, mais qui sont au pouvoir aussi sous couvert de Recep Erdogan. Le parti l'AKP est en fait un parti qui relève des frères musulmans, plus ou moins, qui en a l'idéologie. Donc il a donné des gages aux néo-conservateurs, ce qui lui a permis de faire reculer le spectre d'impeachment ou mettre un peu plus d'espace entre sa tête et l'épée de Damoclès. A-t-il réussi sur le long terme? Rien n'est moins sûr. Mais il a réussi en renouvelant avec ce qu'avait fait Roosevelt en 1945, le fameux pacte du Quincy. Vous trouverez tout ça dans Les Égarés. Le fameux pacte du Quincy, il renouvelle une alliance et il sacrifie le petit Qatar qui effectivement joue un jeu un peu trop autonome, un peu trop indépendant, qui avait acquis également un rayonnement international grâce à Al Jazeera. Al Jazeera, ça veut dire la péninsule. Dans le monde musulman. Donc il fallait remettre le Qatar au pas. Et dès lors que la politique était une politique de containment, d'endiguement, de contention de l'Iran, il fallait effectivement que le Qatar rentre dans le rang. Alors pour revenir à la situation politique franco-française, on a vu la nomination, on en parlait tout à l'heure, de Jean-Yves Le Drian aussi. La nomination de Sylvie Goulard, ministre des Armées. On a vu un certain nombre de nominations tomber, notamment à la DGSE. Le Centre national antiterroriste aussi a été mis en place. Quel sera, selon vous, les premiers signaux faibles de la politique étrangère du macronisme? C'est très simple. C'est ce que tout le monde dit. C'est une formule bateau qui circule partout. Changeons pour que rien ne change. Hein. C'est le guépard. Le guépard, voilà, de Visconti. Changeons pour que rien ne change, rien ne va changer. Goulard est une européiste à tout craint. En 2007, je publiais Manifeste pour une Europe des peuples, c'est-à-dire une Europe véritablement confédérale entre l'Europe des patries. Goulard était déjà, se répondait dans toutes les télévisions, partout, elle était omniprésente pour nous expliquer que l'Europe, c'est la paix. Si vous regardez bien de près, plus le mensonge est énorme, plus il fonctionne, l'Europe, ça a toujours été la guerre. Mais on va dire, la guerre de 91 qui démarre en Bosnie et qui s'achève en 99 au Kosovo, c'était pas l'Europe. Pourquoi? Parce que les Balkans, c'est pas l'Europe. L'Ukraine. Non, l'Ukraine, c'est pas... Mais on peut rajouter l'Ukraine dans le... Vous parlez, pensez à la Géorgie. Plutôt en 2008, la Géorgie. Mais, alors bon, parce que les Balkans, c'est pas, le... c'est pas l'Europe. Alors, il faut savoir, il faut s'entendre sur les termes. Donc, Mme Goulard est d'une incompétence faramineuse, mais à quoi sert-il d'être compétent ? On se le demande bien. Est-ce que M. Bayrou, je ne sais pas comment on prononce, garde des Sceaux, est compétent en matière de justice ? Je crois qu'il est compétent en matière de rien. Mais d'ailleurs... c'est une prophétie pas auto-réalisable, mais je crois qu'là, ils vont l'éjecter. On sent, il y a des signes. Il a rempli son contrat, pas moral. Il a exigé des sièges de députés. Je ne sais pas s'il les aura tous. Mais maintenant, il ne sert plus à rien. Donc, il va sauter. Il va sauter, Bayrou. Même s'il est élu député, il ira chez les non-inscrits. Donc, la politique, pour revenir à votre question, à la politique étrangère, on prend... Vous n'attendez rien de Jean-Yves Le Drian, dont on sait qu'il incarne une ligne, par exemple, beaucoup plus... modéré que quelqu'un comme Bernard Kouchner. En disant que vous incarnez, qu'il incarne une ligne modérée, vous êtes trop bon pour lui. Il incarne rien du tout. Il incarne le néant. Ce qui est la politique de M. Macron, d'ailleurs. Il est nulle part. Ça sera je pense que la politique de M. Macron, dans les affaires étrangères, en matière de relations internationales, comme en matière, ça va être l'opportunisme le plus total. On fera du coup par coup. Autrefois, depuis Giscard, on pilotait à vue, mais là, maintenant, ça sera à très, très courte vue. Alors, Monsieur Le Drian, pour l'instant, est une petite. Il faut des potiches, les ordres viendront de l'Élysée. D'ailleurs, je pense que M. Macron l'a dit, l'a annoncé, il doit s'inspirer d'un livre maudit, interdit et qui est un faux manifeste. C'est-à-dire que le roi, puisqu'on... roi jupitérien, c'est n'importe quoi. Il faut dire que Mitterrand, on disait déjà que c'était Dieu. Enfin, ces gens de gauche sont malades. Hein. Chasser la transcendance, même pas la transcendance, les divinités par la porte, elles reviennent par la cheminée. Il parlera peu, il n'interviendra pas. De toute façon, quand il intervient, c'est pour dire des conneries. Vous savez, la Guyane qui est une île, etc. Bon, il n'est pas compétent, mais par contre, il va bien diriger son équipe. Et puis, il aura des conseillers. Je ne sais pas s'il reprendra M. Attali. Je signale, Xavier, que vous avez publié un portrait d'Attali au Picrat, tout à fait remarquable. Parfois avec des interpolations qui déconcertent un petit peu. Mais globalement, franchement, hier, j'ai commencé à lire, je n'ai pas pu m'arrêter. Donc, lisez, faites des documents et savoir qui est M. Attali et qui inspire la politique étrangère de la France. L'homme qui nous prépare psychologiquement à la 3e ou 4e guerre mondiale, qui dit, je ne sais pas si ce sera avant ou après l'instauration de la gouvernance mondiale, qui nous dit que l'état d'urgence est pour toujours, mais il a raison, c'est ce qui est en train de se passer. Donc M. Attali, qui a été le parrain de M. Macron, qui a été celui qui l'a porté sur les fonts baptismaux du pouvoir, pardonnez-moi pour cette image, M. Attali est un homme à surveiller parce qu'il dit tout ce que les gens n'osent pas penser tout bas ou n'osent pas croire tout bas. Alors, revenons à Le Drian. Le Drian, il n'a pas de ligne. Il aura la ligne. Il ira avec sa sacoche, avec ses rafales, dedans, essayer de vendre ci et ça. Peut-être une centrale... Alors, on démantèle les centrales nucléaires en France, mais on vend les centrales nucléaires surgénératrices à la Chine, qui va prendre de l'avance, comme on leur a vendu aussi. Aussi le TGV. Maintenant, ils font des super, super, super TGV. On leur a tout vendu, le savoir-faire, le matériel, tous les ingénieurs. On leur a tout passé. Et maintenant, c'est la Chine qui va nous revendre ces TGV comme Bombardier nous revend nos express régionaux, parce que Bombardier, c'est au Canada. Et nous, on avait Alstom, mais Alstom, on l'a vendu aux Américains. Et on n'est plus capable de construire des chemins de fer. C'est quand même... nous sommes tombés véritablement très bas. À propos de chemin de fer, de Bombardier, des TGV chinois, rappelons que pendant la révolution soviétique, c'était en 18, 19, 20, je ne sais pas si la terreur était déjà terminée ou pas, Trotsky a commandé en Suède, par l'intermédiaire d'une banque qui appartenait à l'un de ses oncles, des chemins de fer pour exporter la révolution au fin fond de la Sibérie. Alors que la Russie tsariste avait les infrastructures pour construire ces chemins de fer, On a vendu, je crois, un quart, un tiers des réserves d'or de la Russie tsariste qu'on a transféré en Suède par bateaux spéciaux pour faire construire des usines qui n'existaient pas en Suède alors qu'elles existaient en Russie. Et cet or est ensuite parti dans les banques, dans les coffres de telle ou telle banque à New York. Donc, Monsieur Macron, qui n'a pas vendu lui-même Alstom, mais fait bien dans la même droite ligne, démanteler les industries nationales. Vendre les bijoux de la couronne. Vendre les bijoux de la couronne à un. On parle déjà d'une vente des aéroports de Paris. Bah oui, pourquoi pas. On avait déjà vendu, c'était l'aéroport de Toulouse qui avait été vendu à un Chinois qui a disparu. Lyon, Nice ont été vendus quand il était à Bercy. Et il faut savoir que la sécurité des aéroports de Paris, c'est Orly, c'est Charles de Gaulle, et autres, était assurée par une société privée, donc une délégation de droit régalien. La police des aéroports de Paris était assurée par une société privée israélienne. Donc là, déjà, il y a quelques années, alors je ne sais plus si ça a changé ou pas. On revient à la question du terrorisme, là, du coup. C'est pour moi, là. Et Jean-Michel Vernechet, on a vu aussi également qu'une décision a été prise, en revanche, là, concrètement, la baisse du budget de l'armée de plus d'un milliard d'euros, il me semble. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je croyais qu'on s'était entendu au niveau européen pour monter le budget à 2%, sachant qu'en Grèce, il dépasse les 4%. Mais on ne nous dit pas pourquoi. La Grèce n'a pas d'argent, alors ça faisait râler Cohn-Bendit, mais tout simplement parce qu'ils sont à côté d'un grand allié de l'Europe, qui devait rentrer dans l'Europe d'ailleurs, qui ne veut plus, c'est la Turquie. Mais le budget de la toute petite Grèce était de 4%, 4% du PIB pour les armements. Alors là, on va peut-être y être contraint, parce que M. Trump a dit « sharing the burden », on va partager le fardeau, ou vous assumez une partie, pour l'OTAN, vous payez une partie des frais, ou vous démerdez tout seul. Et d'ailleurs, certains, dans la nomination de Sylvie Goulard, ont vu l'aboutissement de ce serpent de mer qu'est l'Europe de la défense. Qu'en pensez-vous ? Alors peut-être que l'OTAN va devenir européenne, je ne sais pas, puisque l'OTAN fait des manœuvres gigantesques. C'est serpent de fer, non ? C'est Iron, je sais pas quoi, non, c'est pas Iron Snake, c'est un truc comme ça, là, le loup de fer. Loup de fer. Mais on est nul en anglais, tous les deux. Des manœuvres gigantesques. Non, je ferai remarquer que vous parlez anglais. Il ne faut jamais dire Moyen-Orient, ça n'existe pas. Soit on est proche, soit on est latin, mais le moyen par rapport à quoi ? Sinon, où est le Proche-Orient ? Middle East, c'est une transposition de l'anglais. Oui, alors, oui. On parlait de l'Asie mineure, on parlait de l'Asie centrale, et nous, on parle du Proche-Orient, nous autres Français. Je suis très, non pas vétilleux, mais j'ai occupé des fonctions gouvernementales sur la défense de la langue française. D'accord, bah vous avez raison. Dont je n'ai pas honte. Je fais des fautes de français comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Tout le monde n'en mourrait pas, mais tous étaient atteints. Mais j'essaye de corriger un peu, comme j'écris Kosovo avec deux S, parce que ça s'écrit comme ça en français. Sinon, Kosovo avec un seul S, ça fait Kosovo. Je dis Londres et non pas London. Je dis Pékin et non pas Beijing. Je dis Bombay et non pas Varanasi, etc., etc. Bon, enfin, ça, ce sont des mots particuliers. Alors, pour les relations internationales, non, rien ne va changer. On va faire. De toute façon, le terrorisme fait partie du paysage. On nous l'a dit et bien dit. Il est utile politiquement. On peut tenir un peu. Également, les gens, quand ils vont se traîner avec des petits ours, un panneau « Je suis Charlie », une petite bougie, un bouquet de fleurs, tout le monde pleurniche, c'est bon pour le consensus social. Ça rassemble le troupeau. Les loups djihadistes qui ne sont pas très performants, entre deux soit dit. Rassemble le troupeau, c'est utile, il faut des petites piqûres de rappel, donc on ne va rien changer, au contraire. Alors, on va contenir, je termine sur le terrorisme, on va contenir quand même la menace. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand débat, mais il faut se... Mais non pas l'éliminer, ça c'est très important. Mais non pas l'éliminer. Voilà, parce qu'elle est importante, c'est très important de garder cette menace. Alors, il est absolument important, mais il faut la contenir. Vous savez, dans une voiture, on a un frein et un accélérateur. Alors, il y a eu un débat gigantesque... dégoulinant de moraline. Non, il ne faut pas déchoir de leur nationalité ceux qui sont allés combattre, égorgés, torturés, cramés vivants. Non, non, il ne faut pas les déchoir, ce sont des enfants perdus de la République. Sauf que là, on sait qu'il y a des forces spéciales françaises, avec des Kurdes ou je ne sais pas qui au vont sol. Au sol. De l'aveu même de la ministre des Armées. Pour l'élimination physique, c'est-à-dire on a supprimé en France, on n'entend pas M. Badinter ouvrir sa grande gueule, il est vieux, c'est vrai, contre la peine de mort, mais on va l'exercer là-bas. Donc la peine de mort, c'est bien quand c'est là-bas. Puis d'ailleurs, on sait que maintenant, M. Hollande avait Killing List, comme M. Netanyahu, comme M. Obama. Alors, on utilise soi-disant des drones, je ne sais pas si c'est propre. En tout cas, il y a beaucoup de dégâts collatéraux. Donc, on chasse la peine de mort de chez nous, parce que nous voulons avoir les mains propres, mais on va l'exercer ailleurs. Alors, il y en a toujours qui passeront à travers les mailles du filet, mais ils seront moins nombreux. Et il est amusant de constater que moins le président de la République a de pouvoir, plus il utilise cette licence to kill. Si on y réfléchit bien, monsieur le roi Louis XIV, le resplendissant, qui méritait bien son surnom de roi soleil, il suffit d'aller à Versailles, avait infiniment moins de pouvoir qu'un Hollande, qu'un Sarkozy ou qu'un Macron. Il n'avait pas le doigt sur le feu nucléaire, il n'y avait pas de conscription générale. On ne pouvait pas envoyer un peuple entier se faire tuer dans les tranchées comme en 14. C'était des armées de mercenaires qu'il fallait payer. C'est le pauvre roi, pauvre monarque absolu qu'on désignait comme un tyran. Quel tyran ! Il y a de l'aveu même de Michelet, Jules Michelet, qui était franc-maçon, extrêmement gauchiste à son époque, c'était un historien, écrivait que la France de l'Ancien Régime était un royaume hérissé de liberté. C'est-à-dire qu'il y avait les corporations à l'intérieur des villes, mais il y avait surtout les parlements locaux, régionaux. Il y avait des parlements partout. Le pauvre roi, il ne faisait pas ce qu'il voulait. Ce que Proudhon appelle l'anarchie plus un. L'anarchie plus un, voilà, oui. Mais moi, j'aime bien Proudhon. Hein. Mais je crois qu'à contre-culture, on l'aime bien aussi. Moi, j'aime bien on Proudhon. On réédite les cahiers du cercle Proudhon, et justement, avec un mémoire de Pierre de Brague. Alors, je ne sais pas si contre-culture vous mettra à disposition les fiancés de la mort, mais je l'espère très, très, très fortement et très cher, les stratèges de la terreur globale. Je crois que, Vincent, c'est pas moi qui dirige l'émission, mais que vous vouliez revenir justement sur l'histoire de ces stratèges, malgré tout. Alors oui, alors la question se pose de savoir qui sont ces stratèges. Ben, les stratèges, ils sont, alors je vais jeter un pavé, mais ils sont aussi bien à l'Élysée, hein. Ils sont à la DGSE, ils sont à l'Élysée, ce sont des gens qui utilisent, manipulent, instrumentent le terrorisme pour leur politique. Nous sommes à la suite des Américains, nous sommes inscrits dans un système de régime change. Vous voyez, je suis francophile, mais c'est-à-dire de changement, de renversement des régimes. On n'a pas quitté l'idée de faire tomber Bachar. Il faut faire tomber effectivement tous les verrous de souveraineté en nous le décrivant comme le boucher des bouchers des bouchers. Sauf que vous allez à Damas, c'est une ville de 11 millions de personnes. Vous circulez, alors il y a des checkpoints hein, dans Damas, vous circulez librement. Les gens n'ont pas l'air malheureux. Les jeunes gens, les toutes jeunes gens et jeunes filles ont des rues entières. Alors on ne boit pas d'alcool, mais on écoute de la musique, je sais pas quoi, techno, en fumant le narguilé, en sucetant des glaces et des boissons sont fraîches, et les jeunes gens sont pas du tout de demeurer, hein, je vous le dis. Donc, il faut faire tomber ceux qui résistent authentiquement au terrorisme, nous l'avons dit tout à l'heure, inversion accusatoire, donc ceux qui ont alimenté, ont encadré, ont formé, ont financé, ont aidé au transit des armes, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, font partie de ces stratèges du terrain. Mais à mes yeux, ils ne sont peut-être que des relais. Alors, s'il y a stratège, c'est qu'il y a stratégie. Et on voit que le terrorisme international déclenche l'argumentaire à problème global, solution globale. Est-ce que... Oui, c'est exactement ça. Donc, le terrorisme serait une carte dans le jeu mondialisé. Alors, je voudrais vous soumettre cette analyse d'Alain Bauer, qui est considéré en France, dans les médias, par les organisations institutionnelles comme le spécialiste du terrorisme, qui explique qu'après la chute de l'URSS, il fallait un nouvel adversaire, que la Chine a été essayée, mais que les Chinois, après tout, sont beaucoup trop pacifistes, et donc qu'on a utilisé cet islam radical depuis l'Afghanistan. C'est une idée bateau, c'est une idée pare-feu, c'est une idée usée jusqu'à la corde, c'est pas totalement faux. Oui, oui, bien sûr, il fallait ce qu'on a appelé à l'époque un ennemi de substitution, monsieur Boer. Ça fait 30 ans qu'on dit ça, hein, monsieur Boer, réveillez-vous. Mais il veut vendre ses caméras de sécurité, j'imagine. Mais c'est également un pare-feu, ça cache la réalité. En 1982, paraissait sous le nom d'un obscur fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien, Oded Yinon, un plan, alors qui a été récusé. On a dit ensuite que c'était faux, que c'était pas exactement ça, que c'était un journaliste. Oui, oui, tout est toujours faux, tout est toujours une contrefaçon, tout sûrement est toujours un faussaire russe. Voilà, qui appartenait à l'Okhrana. Donc c'était une forgerie ou que c'était un document sans valeur et sans portée. Sauf que le plan Oded Yinon a inspiré en 2003 ce qu'on a appelé Greater Middle East Initiative. Alors, je ne vais pas traduire Middle East par Moyen-Orient, ce que fait Indy, hein, il a tort. L'initiative Grand Orient. Le Grand Orient, l'Orient commençant au Maroc, hein, aux colonnes d'Hercule, et s'étendant jusqu'aux berges de l'Indus, là-bas, du côté du Pakistan. Ce plan était un plan de balkanisation de l'ère géographique, culturelle et civilisationnelle, arabe et musulmane en général. Les Persans, les Iraniens ne sont pas des musulmans, les Turcs non plus. Là-bas, en Indonésie, on n'est pas arabe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Même au Maroc, on est à 80% berbères, ce ne sont pas des Arabes. Ce qui a transposé les directives qui veut... Alors, le plan Oded Yinon, c'est la construction d'un grand Israël, du Nil à l'Euphrate, grosso modo, mais surtout faire le ménage. Ça date du temps de Ben Gurion, hein, des années 50, quand l'État d'Israël se constitue. Ça va jusqu'au Soudan. On sait très bien que les Israéliens sont très présents au Sud-Soudan, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le feu se rallume... vous voulez dire que... Pour compléter ce que vous dites, on voit d'ailleurs qu'énormément de migrants qui arrivent aujourd'hui en Europe viennent de la rive droite du Nil, c'est-à-dire Érythrée, tous ces pays-là, comme s'il fallait laisser la place. Oui. Et on nous dit que ce sont des réfugiés syriens qui ont fait le détour, mais on voit les Noirs, ce sont vraiment des Noirs subsahariens, des Ougandais, en fait, tout ce que l'on veut. Il y a même des Sénégalais qui arrivent, des gens donc du Golfe. Du Golfe de Guinée, pardon. Donc le plan Oded Yinon va se retrouver dans cette initiative au moment où la guerre d'Irak est lancée, stratégie de démolition intégrale, sous couvert de transporter et d'installer la démocratie, de transposer le modèle de la démocratie de marché en Irak. En fait, on démolit le pays de A à Z, comme on a démoli le pays de A à Z en Syrie ou en Libye ou au Yémen. Au Yémen actuellement, guerre oubliée dont on ne parle peu, ou également en Somalie, en Érythrée. Entre-temps, il y a eu un grand stratège, un grand théoricien, mais qui est mort, un homme dominant qui conseillait derrière le rideau, behind the curtain, vous voyez, je parle anglais, qui conseillait Monsieur Obama, puisqu'il avait été son professeur à Harvard, c'était Monsieur Zbigniew Brzezinski. Personne n'en a parlé, il est mort il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, personne n'en parle. Alors, l'homme a publié en 97 Le Grand Échiquier. En 2002, il y aura une reprise, d'ailleurs une actualisation. Et l'homme trace la grande stratégie. C'est Zbigniew Brzezinski qui, du temps de M. Carter, dont il était le conseiller à la sécurité, va inventer Al-Qaïda. Donne des fonds à M. Ben Laden pour aller créer des maquis djihadistes, alors que les soviétiques ne sont pas encore entrés en Afghanistan au secours du gouvernement de Najibullah, du gouvernement communiste. Et donc on commence à créer, par le truchement des services de renseignement pakistanais, l'ISI, on va créer ces structures djihadistes qu'on va retrouver, qui sont aujourd'hui à l'œuvre en Syrie, Al-Nusra, le Jabhat al-Nusra, puis maintenant ils ont changé encore de nom, ils changent de nom tout le temps, que soutenait M. Fabius, Al-Nusra fait du bon boulot, hein, je vous rappelle, c'est Dixit, M. Fabius, que la France a soutenu, financé. Al-Qaïda, et ça, vous allez voir ça, puisque nous partons du 11 septembre dans mon livre, Al-Qaïda qui est censé avoir fait tomber, s'effondrer deux ou trois tours, enfin au moins deux, se retrouve être l'allié des Occidentaux et des Américains en Syrie. C'est un rien courant. Donc, M. Brzezinski, j'en termine là-dessus. Si vous regardez son livre, Le Grand Échiquier, The Great Chessboard, montre bien que l'Europe, il faut la balkaniser, la fragmenter, en faire une mosaïque qui était la thèse de la Nouvelle Droite à une certaine époque, le fédéralisme européen avec des Provençaux d'un côté, des Bretons de l'autre, des Flamands. Voilà. Des Bretons de l'autre, de l'autre côté, enfin, de tout ce que l'on veut, des Alsaciens. Mais même chose, la Belgique n'existe quasiment plus entre Wallons et Flamands. L'Espagne est au bord de l'éclatement. Il y a eu ces guerres de décomposition dans les Balkans. La Yougoslavie avait été créée en 1919, au moment de la rédaction du traité de Versailles. Eh bien, on a détruit ce que l'on avait fait, puisque c'était le principe des nationalités. Mais maintenant, le principe des nationalités est descendu d'un cran, et ce sont les micro-micro-nationalités, mais qui, évidemment, n'auront jamais d'ambassade, n'auront jamais d'armée, seront obligés de s'agglutiner, de s'agglomérer. Et ça... Donc, M. Brzezinski, dès le départ, dès 1997, a été... l'un des grands stratèges de la terreur globale, comme instrument de décomposition des nations et de recomposition dans une gouvernance mondiale, celle qui est si chantée et louée par M. Jacques Attali. Jean-Michel Vernochet, Les fiancés de la mort et les stratèges de la terreur globale aux éditions Siges, chers auditeurs, 15 € pour 175 pages, disponible très probablement sur contreculture.com. Nous l'espérons et nous le souhaitons. Nous allons faire en sorte. Jean-Michel Vernochet, merci beaucoup. Merci à vous, Vincent. Merci, Xavier. Merci à toutes et à tous. Alors, on rappellera quand même à nos auditeurs qu'on peut vous retrouver très facilement sur YouTube, hein, toutes vos analyses, ainsi que vos ouvrages. Donc, est-ce que vous tenez un blog, d'ailleurs ? J'en ai un, mais strictement sur l'écologie, qui s'appelle Terre Future. Et s'il y a des bénévoles qui veulent venir m'aider, parce qu'il n'est pas tout à fait en sommeil, mais un peu, alors que l'écologie, j'ai fondé une association, Terre Future, en 1977, est un sujet absolument fondamental. Et là aussi, il faut remonter le courant. De même qu'il y a un islam politique... le djihadisme et autres, et le wahhabisme, ou le salafo-wahhabisme, il y a une écologie politique qui n'a rien à voir avec l'écologie réelle. On n'entend jamais ces gens prendre la défense. Avec des affaires de gros sous derrière, notamment sur les éoliens, avec la Chine, c'est pas étranger l'arrivée de Bloomberg à Paris après la rupture de l'accord sur le climat. Toutes ces choses-là sont les implications mafieuses aussi au sud de l'Italie. Les turbines des éoliennes sont fabriquées par Siemens en Allemagne. On comprend pourquoi Siemens. Alors que l'éolien est toujours adossé au charbon ou à la lignite ou au gaz, les Américains étant autosuffisants en matière de pétrole, exportent leur charbon à bas prix qui arrive en Europe, en Allemagne, pour faire tourner les centrales électriques au charbon ou à la tourbe ou à la lignite allemande, parce que si les éoliennes ne tournent pas souvent, elles s'auto-détruisent. Et en fait, du vent, il n'y en a pas 25% du temps. Donc vous voyez à quel point cette histoire d'éolien est une arnaque majeure. Quant aux panneaux solaires, ils arrivent de Chine, on le sait, alors que nous, on avait une avance considérable en matière de fusion nucléaire. Tout ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission, Vincent. Bien sûr, Jean-Michel Vernochet, vous êtes le bienvenu sur RFM. Et donc, si vous voulez rejoindre Terre Future, vous trouverez le blog Terre Future. Très bien, on va suivre ça. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Quant à nous, chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Chaos Theory. Son album Fate est disponible sur le site de Contre-Culture. Nous allons écouter Failed Escape. Vous voyez, moi aussi, je parle anglais, Jean-Michel. Oui, mais il faut un peu. À dose homéopathique. Chers auditeurs, bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.